animaux, il y a des grands, il y a des petits. Chez les animaux, on est tous amis. Chez les animaux, il y a des blancs, il y a des gris. Chez les animaux, on aime les coloris. Chez les animaux, il y a des flanflans, des speedy. Chez les animaux, chacun son rythme de vie. Chez les animaux, il y a le respect aussi. Chez les animaux, il y a des grands, il y a des petits. Chez les animaux, on est tous amis. On chante pas avec une carotte dans la bouche. Il y a des blancs, il y a des gris. Chez les animaux, on aime les coloris. Chez les animaux, il y a des flanflans, des speedy. Chez les animaux, chacun son rythme de vie. Ça met yo yo yo yo. Allez hop.